D'autres remarques, monsieur ? Moi, je suis donc un urbain transplanté en milieu rural depuis une dizaine d'années. Et donc, j'ai découvert la problématique en arrivant ici sur Douarnenez, puis sur Plouzévette. Moi, ce qui, première chose, ce qu'on a dit sur la question du regard sur le passé. En même temps, c'est intéressant de voir comment le regard sur le passé est lui-même réécrit, si je puis dire, par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire, je me souviens notamment dans un film qui est très respectueux de tout le monde, mais qui essaye de faire le tour de la question des algues vertes, qui s'appelle « Dans l'enfer vert des Bretons », où on voit au moment où les sangliers sont morts dans les Côtes d'Armor, là, dans la Vasière, et donc les paysans organisaient un match de foot sur la plage, et la personne qui prend la parole a un discours très poignant, qui reprend un peu ce discours en disant « on nous a demandé d'eux, on nous a demandé d'eux », sauf que lui, il a 45 ans, c'est pas lui qu'on l'a demandé. Et comment il s'est réapproprié un discours dominant. J'ai revu la même chose quand on a eu les rencontres contre les algues vertes à Fouesnant, où des jeunes gens issus du milieu agricole en formation étaient en train de dire on nous a demandé de nourrir la planète alors qu'ils avaient 20 ans. Et on leur dit non, on ne vous demande pas de nourrir la planète, on demande de ce que les paysans ailleurs sur la planète puissent se nourrir eux-mêmes. Et on voit qu'il y a tout la façon dont effectivement ce mouvement qui a été porteur d'une grande émancipation dans ces régions ici dans les années 50 est maintenant réécrit pour justifier quelque chose qui n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, c'est plus pour sortir de la misère maintenant qu'on défend le système, c'est pour défendre le système. Et notamment quand on dit la pression qui s'exerce actuellement sur les paysans, à mon analyse quand même, l'essentiel des pressions qui s'exercent sur les agriculteurs sont issues du monde agricole. C'est-à-dire la banque auprès de laquelle ils sont endettés, qui les met en faillite, qui du coup fait faillite poussant parfois les gens au suicide, c'est le Crédit Agricole. Les coopératives qui leur vendent les intrants, et il n'y a pas que le suicide en milieu agricole, il y a toutes les maladies liées aux pesticides, avec une omerta totale de la MSA sur le sujet. C'est aussi tenu par des agriculteurs. Les rachats par les coopératives au prix le plus bas possible. Alors, on ne sait pas trop où sont les accointances avec la grande distribution à ce niveau-là. On vient de voir là que les trois grands abattoirs bretons sur le port viennent de se ramasser une amende de plusieurs dizaines de millions d'euros parce qu'ils avaient fait une entente sur les prix pour tirer les prix au plus bas pour ne pas payer aux producteurs le prix de leur production à un juste prix. Dans tout le circuit, ce sont les agriculteurs qui sont à la manœuvre. Alors, en plus, ce qui est compliqué, ce qui me sidère, c'est encore plus la dernière développement, c'est que les agriculteurs ont porté à la tête du principal syndicat agricole quelqu'un pour qui la production agricole n'est plus alimentaire mais industrielle. C'est-à-dire, c'est Sophie Protéol, c'est de faire des agrocarburants, etc. C'est-à-dire qu'en plus, là où la fonction première de l'agriculteur était de nourrir avec qualité, de nourrir en respectant la terre. Ils sont un peu en train d'y revenir, la question des productions. Sophie oui, mais Protéol, en attendant, l'actuel président de la FNSEA. Oui. Et en plus, avec un président du monde agricole qui arrive à traiter le tribunal de Quimper de petit tribunal de province. Donc on voit que son rapport à la ruralité, à lui, il devient de plus en plus éloigné. Donc c'est ça que moi je pense que la galaxie agroalimentaire est devenue tellement disparate que c'est ça qui fait que plus personne ne peut s'y retrouver. Je crois qu'il y a un moment, il vaudrait mieux, c'est un peu ce que disait l'intervenant tout à l'heure, qu'on refasse la distinction, enfin que les gens se... Alors, c'est facile à dire vu de l'extérieur. Hein. Je ne sais pas comment sont les pressions à l'intérieur, les capacités ou pas à se rassembler. Mais on a effectivement un système qui a pris une telle échelle qu'il est censé être organisé par les paysans pour les paysans et il broie les paysans. Et qu'il faut qu'on retrouve la bonne échelle. Et là, c'est une interaction, alors pour le coup, producteur-consommateur, qui permet de reterritorialiser la question agricole oui, bien sûr. En question alimentaire. Mais il faudrait peut-être aussi que le discours urbain... soit moins radical qu'il ne l'est parfois. C'est ça aussi peut-être la question. C'est-à-dire que des deux côtés, pour que les deux positions se rassemblent, se rejoignent à un moment donné, il ne faudrait pas qu'il y ait des barrières qui se soient dressées d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire des agriculteurs qui considèrent qu'on ne comprend plus rien à ce qu'ils sont en train de faire et qu'on est toujours en train de les juger. Et de l'autre côté, des urbains qui considèrent que les agriculteurs sont toujours en train de faire des saloperies qu'il ne faudrait pas faire, etc. Vous voyez, je pense que la question, c'est qu'il faut trouver des points de jonction qui, pour l'instant, sont quand même relativement... faibles et qui ne sont pas très, très, pas très présents, si vous voulez, entre ces deux positions. Il faudrait retisser du lien, que les gens se comprennent mieux, qu'on passe du stade de l'invective à autre chose pour pouvoir vraiment discuter. Là, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, on arrive à discuter entre des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur la façon de le voir. Mais ça, je pense que ça, il faudrait le faire de plus en plus fréquemment pour que ça puisse peut-être permettre de retisser du lien. Parce que sinon, je crains que les positions sont extrêmement clivées. Quoi. C'est très, très difficile. Je pense qu'une des responsabilités, alors là, pour le coup, peut-être des collectivités territoriales, mais je ne sais pas à quelle échelle optimum, c'est effectivement cette idée que est la responsabilité de la collectivité territoriale l'alimentation de sa population. Et que du coup, tous les acteurs sont solidaires, aussi bien les producteurs que les consommateurs, pour qu'à l'échelle du territoire dont elle a la responsabilité, elle s'assure que tous les consommateurs puissent avoir des produits de qualité en quantité nécessaire avec les agriculteurs locaux. Et que les agriculteurs soient justement rémunérés pour le travail qu'ils ont fait. Voilà, et qu'on retravaille sur cette question qui a complètement disparu dans nos sociétés. Comme on dit, on sait le coût des choses. Enfin, on sait combien on les paye, on ne sait plus du tout combien elles coûtent, on ne sait plus du tout combien les personnes sont rémunérées. C'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner avec des lasagnes à 2,70 €, qu'on ne sache pas très bien ce qu'il y a à l'intérieur des lasagnes, ça, c'est certain.